14 ans, l'époque de Scar Lacroux. Y'avait pas de swag avec des squats, avec des tags partout. Plus qu'une passion, je peaufine chaque son. Avec l'amour du rap, j'en perds la boule, je fume grave. Quand pour écrire, je dois vider toute une jack. Chaque fois que je fonce car, je fais du 11 car. Je transforme tout ce qui me dégoûte. Vas-y, écoute ce que mes bronches crachent. C'est toute ma vie, toi c'est pareil, ben vas-y, 11 car. Je compte rapper jusqu'à ce que tous tes pavillons se cassent. 2012, mon style ose balade. J'ai pas rêvé de gloire, mais d'avoir un kilo de salade. Et malgré les erreurs, je tourne pas la tête, j'avance. J'ai beau gratter pendant des heures, c'est pas la même qu'avant. Donc, tous mes espoirs, je les ai mis dans ce joint. J'ai la rage de petit fa avec 10 ans de moins. Car ce rap game n'a rien de top, de ludique. Je garderai toujours cette cicatrice en forme de note de musique. Avec la rage, on fait ça comme à l'époque. À quel honneur, à quel honneur. Ouais, c'est dark, relâche c'est hoche. C'est collat, relâche pédo. Ne viens pas me contrarier. Les fans de moi sont grave serrés. C'est comme ça que j'embrasse frérot. Avec la rage, on fait ça comme à l'époque. À quel honneur, à quel honneur. Ouais, c'est dark, relâche c'est hoche. C'est collat, relâche pédo. Ne viens pas me contrarier. Les fans de moi sont grave serrés. C'est comme ça que j'embrasse frérot. Rappelle-toi y'a 6 ans, première fois qu'on partageait le mic, frère. Les gens me jugeaient car à cette époque j'avais pas de Nike fraîche. 2 ans plus tard, le groupe s'éloigne et moi je bouge en sorte. La route est longue, on aura fait un bout ensemble. Parents divorcés, j'ai grandi seul avec ma mère. Et si j'ai le seul, c'est qu'il y avait personne quand j'étais dans la mer. Parle pas de grosse peine, si t'as fait de moi, même de là-haut, je ferai tout pour que mon père soit fier de moi. J'attends mon tour et je vois les heures qui durent. Moi, j'écris les jours où j'ai le cœur qui brûle. T'as le choix, t'es soit la proie ou bien le prédateur. Fallait que tu le saches, ta mère tue ça avec mon frère à cœur. J'ai pas de lever, je suis grave paumé, c'est pas la pêche, poteau. Quand j'ai le moral, au plus bas, je m'envoie la tête trop haut. J'amène l'ambiance comme un battle break. Pour le succès, y'a pas de recette en tant que rappeur belge. Avec la rage, on fait ça comme à l'époque. À quel honneur, à quel honneur. Ouais, c'est dark, relâche c'est hoche. C'est collat, relâche plutôt. Ne viens pas me contrarier. Les fans de moi sont grave serrés. C'est comme ça que j'embrasse frérot. Avec la rage, on fait ça comme à l'époque. À quel honneur, à quel honneur. Ouais, c'est dark, relâche c'est hoche. C'est collat, relâche plutôt. Ne viens pas me contrarier. Les fans de moi sont grave serrés. C'est comme ça que j'embrasse frérot. C'est pour les frères au Heps ou en psychiatrie. Okay. Plus de technique dans mes 16 que dans FIFA Street. Dur trouver l'amour, y'a plus que des filles faciles. Les faux rappeurs t'en trouvent partout, c'est comme les flics racistes. Soit oublié, donc vas-y file l'artiste. Le fric m'attire, fait de la place et cette année que mon fils arrive. C'est la haisse, crois pas que j'esquive la crise. Pour trouver la spie, j'mets de la haisse dans mes risques, la crise. Pense pas que le rap ça rapporte, non non. Les frères Jacques, toi Rambol, sers le Jack à rapport. Tu veux te ranger, mais c'est trop tard quand la paire qui frappe à la porte. L'arnaqueur honneur t'y va à la prod. Chacun pour soi, ouais faut reconnaître que l'époque est sale. On arrive avec du lourd et les potes le savent. J'fais en sorte de ne pas baisser les bras. J'ai des principes, ouais j'vais pas baiser les braves. Avec la rage, on fait ça comme à l'époque. À quel honneur, à quel honneur. Ouais c'est dark, relâche c'est hoche. C'est collat, relâche plutôt. Ne viens pas me contrarier. Les fans de moi sont grave serrés. C'est comme ça que j'embrasse frérot. Avec la rage, on fait ça comme à l'époque. À quel honneur, à quel honneur. Ouais c'est dark, relâche c'est hoche. C'est collat, relâche plutôt. Ne viens pas me contrarier. Les fans de moi sont grave serrés. C'est comme ça que j'embrasse frérot.